Alors je reprends le micro. Très heureux d'avoir eu de nombreux crashs avec l'ancien logiciel qui est pourtant le meilleur logiciel du marché. Et parce que avec le nouveau petit logiciel, je me rends compte que en fait ce micro enregistre très bien et c'est un problème de logiciel. Vous vous en foutez, moi un peu moins. Et le fait que vous vous en foutiez me préoccupe et que moi ça ne me voilà. Donc, nous allons parler de JG. JG est très marrant parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire en sorte de très vite être rejeté et une fois rejeté, d'être harcelant. Ouais, des bonnes de frites. D'être harcelant. Et dans ça, j'arrive à créer. Après. J'arrive à créer dans d'autres formes, mais très étonnamment, cette sorte de clash permanent, très puéril, m'anime à une force, avec une force incroyable. Et donc je trouve ça intéressant parce que d'habitude, quoi que je fasse, même quand c'est très talentueux, c'est toujours rejeté. Et là, je me rends compte que ces enregistrements intéressent. Ça m'intéresse de les faire. Ça m'intéresse de le faire et j'aime l'idée que vous écoutiez une autre voix, même si ce n'était pas la mienne, une autre voix que la voix radiophonique classique ou que celle des professionnels de la parole. Ici, donc JG, au lieu de me rejeter, a envie d'avoir aussi son émission radio, que je parle de lui. Ça l'a amusé pour les autres, peut-être, et il a eu vraiment des infos, et peut-être qu'il. Et j'ai cliqué sur son texte avant de savoir que c'est. En me doutant que c'était un peu ça, sans savoir. Il est très critique, et en fait, si je prends le micro, c'est pour ça. Je pense que. Évidemment. La gentillesse est tout aussi importante et capitale que l'intelligence. Un être absolument dénué d'intelligence est une catastrophe en soi. Même pour lui, c'est dramatique. Vous savez, le truc bienheureux et simple d'esprit, quelquefois je vois des gens très, très simples, avec des petits bonheurs comme ça purs, mais je préfère une personne extrêmement élaborée, dans la souffrance complexe. Qu'une personne ne comprenant même pas pourquoi il faut être triste parfois. Et une personne sans gentillesse, on le voit, plus on monte dans la hiérarchie humaine, c'est-à-dire qu'on côtoie des hommes politiques, des grands hommes d'affaires, des grands artistes. Des grands fonctionnaires de l'État. On se rend compte que ces gens sont gentils. Ils sont pas que forts et puissants, ils sont aussi gentils. D'ailleurs, dans d'autres univers, il y a des gens tout aussi forts, tout aussi puissants, mais qui sont pas gentils. Et ça se sent. Par exemple, Berlusconi, il a beau être un chef de l'État, je doute très fort de sa gentillesse. Hollande, Sarkozy, je ne doute pas de leur gentillesse. Ils ont beau être extrêmement opposés, s'affronter avec virulence, ténacité. Fondamentalement, Sarkozy est une personne extrêmement intelligente, instruite, et il en va exactement de même pour François Hollande. Et vous les rencontrez, si vous les rencontrez, vous les rencontreriez. Vous vous en rendriez compte. Pourquoi je dis tout ça? Parce que même dans le pétage de plomb que nous offre ici JG, pétage de plomb surassumé, qui donc permet le flou, le bordélisme, le côté folle dingue, on va un peu à droite à gauche, La sorte de vidéo crashée, de sorte de texte crashé, vite fait, comme ça, pour clasher, pour rigoler, pour gaulerie. Et ce jeune homme, avant même qu'il m'insulte, avant même que je sois humilié, mettant mes désirs et mes besoins de côté, mon amour-propre, je me dis, ben, ce jeune garçon qui est encore au lycée, écrit là où d'autres sont en train de regarder la télé bêtement, j'utilise des mots, ça c'est très bien, et je ne le décourage pas à le faire, et s'il continue comme ça, il deviendra un garçon très intelligent. C'est le secret d'ailleurs, l'écriture. L'écriture développe la réflexion à un degré de concentration. Je sais pas si vous aviez écouté les autres émissions, mais j'allais souvent ouvrir la porte au chat, et là je vais faire pareil. Allez, belle. Allez. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Alors. Tout ça, c'est très bien. Mais la méchanceté. Parfois, je suis méchant. Je le sais. Je doute. Je le mets quand même. Je regrette. Pendant une semaine, je vais m'en excuser. Dans un an, je m'en excuserai encore. Il faut être conscient. Et dans cette critique un peu délirante, cette sorte de caricature, j'y ai vu des choses méchantes. Par exemple, je pense qu'il faut s'attacher à mes défauts. Réel, plus que dire le king de tous les cons, par exemple. Dire que je suis le king de tous les cons. Ça n'a pas de fondement. Dire que je suis vaniteux, bavard, que je raconte ma vie, que je suis obnubilé, que milk, je ne vais pas trouver les critiques pour vous, après tout. Hein. Mais je pourrais, ce serait. Intéressant parce que je pense que l'autocritique est sublime. Quoi qu'il en soit, donc le king de tous les cons, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. On pourrait réunir tous les cons, désigner un king que lui-même aurait du mal à rester au pouvoir, s'échangeant et tout. Si j'essayais moi d'être un jour le king de tous les cons, ce serait dur. Le Pen lui-même n'est pas le king de tous les cons. Un petit caporal de la connerie. Et tout est comme ça. Alors certes, ça ne blesse pas. Ça ne blesse pas parce que tout est faux. Mais par contre, ça me gêne. Ça me gêne de laisser un garçon ne pas être critique avec justesse et être méchant et insultant. Ça ne me gêne pas parce que je ne me sens pas insulté. Et je sais qu'il fait ça pour rire. Mais quand même, la seule motivation que je vois, c'est assez compliqué de comprendre. Parce que je pense que ma personnalité aussi crée de la méfiance chez les jeunes, en tout cas. Ils se disent, oh là, c'est pour ça que cet truc est intéressant. Moi, je ne vois qu'une seule chose. Intéressante d'un point de vue libido, vidéo porn. Dans cette folie, finalement, il faut s'attacher à tous les mots. C'est-à-dire que la personne ne parlera pas de moi, mais parlera un peu de son univers, puisque tout est faux. Il faut bien que quelque chose de vrai se pose, et c'est sa vie à lui. Et je me demande pourquoi il y a vidéo porn. Et je sais que souvent, pour les lycéens, les garçons, d'ailleurs, les vidéos pornographiques, leur pose un grand problème de culpabilité. Bon, les fascine évidemment, mais leur pose un grand problème de culpabilité parce que là la mère est là, parce que le père est là, ils n'ont pas envie de se dire ah quand je suis né, ma mère a fait une pute en faisant une danse sexy time, en bougeant un peu son anus sur le gland de mon père pour le faire bander et en s'empalant comme une ouf sur sa bite. On n'a pas du tout envie de se dire ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe logiquement si tout va bien dans le couple. Vous voyez le truc. Mais les jeunes qui sont très peu en couple, d'ailleurs, au début, ne le comprennent pas. Et très vite, un jeune qui comprend toute la modernité de la sexualité, tout en restant un être extrêmement élégant, courtois, romantique, voilà, c'est le grand tout. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est uniquement romantique va très vite être cocu, en fait, parce que, il faut que le corps exulte, la jouissance de deux corps qui sont très heureux, eh ben, c'est aussi important que de très beaux mots d'amour et une fidélité absolue. C'est aussi important que le corps exulte, que la femme jouisse vraiment, que l'homme se dise, ah, c'est pas une bite d'homme sale, baiseur, harceleur, qui rentre dans une pauvre victime de femme. Comprendre aussi la voracité féminine. Et ça, les jeunes ne comprennent pas. Soit ils le surinterprètent en disant, ah, c'est une salope, soit ils le sous-interprètent en se disant que c'est une sainte, et que finalement, tous leurs désirs un peu piquants, qui sont l'œuvre d'une imagination inventive et jolie, il le détache. Ça, c'est capital. Parce que ça permet des raccourcis. Du coup, ce JG sera exactement comment aborder la jeune femme. Aussi par l'attrait sexuel, mais pas vulgaire, émoustillant, vous voyez? Et ce sont des très belles années de la vie où l'on commet énormément d'erreurs et où les valeurs morales, mais je préfère dire éthiques, sont complètement faussées, c'est du rock'n'roll. J'ai très peur, j'ai l'impression de ne pas avoir lancé l'enregistrement, si c'est bon, je l'ai lancé. Voilà. Alors, que dire, hein, à part que lui-même s'est senti un peu faiblard et a voulu à tout prix qu'on ne prenne pas son message au sérieux, en rajoutant un message juste après en disant lol. D'accord? Ensuite, Casimir a dit qu'il était à la fac, il a dit qu'il était au lycée, j'ai compris que c'était un jeune homme, et donc je devais le traiter de cette manière, c'est-à-dire non pas en l'infantilisant, mais en tout cas sans exiger de lui une maturité fulgurante. Tout est méchant, hein, quoi que je lise. Hein. Bref, la radio d'un poilu est dedans de sa tête de gros nœud, d'une rigueur sans nom, de boudin de cirque, cousu et décousu. C'est extrêmement important parce que fondamentalement, un boudin de cirque, c'est quelque chose de magnifique. Quelqu'un qui a une tête de gros nœud, je l'apprécie, en fait. Parce que je sais que les autres ne l'apprécient pas et que ma seule appréciation fera en sorte que cet homme a un ami qu'il aime et qui le trouve sympa, beau, normal, et qui en fait, les femmes devraient aller vers cette tête de gros nœud plutôt que vers les beaux gosses misogynes. D'innombrables photographes amateurs sans talent, eh bien je lis, hein, tels d'innombrables photographes amateurs sans talent, ces photographes amateurs sans talent sont fabuleux, sont magnifiques. Combien de films sont faits sur des personnes inabouties, grelottantes? Sinon, quand on est dur avec quelqu'un, il ne faut pas être méchant. Et il faut toujours, dans la critique, même la plus sévère et la plus atroce et la plus démoniaque, le faire dans un but constructeur. Sinon, et bon, de temps en temps, lancer quelques piques. Pour bien rappeler le scénario, l'intrigue en cours. Mais en tout cas, placer dans le combat des petites pépites de beauté, de joie, d'amélioration, d'élaboration de l'autre. Ici, je trouve très peu de manières d'être heureux. Vous voyez, tout d'un existentialisme mon cul, etc., des traits philosophés. Tout est. En fait, il a essayé de faire un pot pourri de tous les adjectifs qualificatifs et de tous les personnages qu'il trouve dégoûtants. En soi, déjà, il fallait qu'il soit exact, comme un samouraï, qu'il touche exact, et que je me dise, ah là, il a raison, encore une fois, et grâce à lui, je vais m'améliorer, je ne referai plus l'erreur, grâce à lui. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ah oui, et aussi évidemment, s'il veut coller tous les personnages ridicules, qu'au moins ces personnages ne soient pas en fait de pauvres oiseaux qui n'ont qu'une aile, qui ont du mal à voler, qui ont du mal à être. Et ces personnes-là, il faut les choyer, sinon on est dans la cruauté de l'adolescence. T'es roux, l'autre le gros, lui met une claque derrière la tête. T'as une petite, t'as des petites jambes, t'as un gros nez. Et cette cruauté comme ça est vraiment paralysante. Certes, elle renforce, mais elle pourrit aussi les individus. D'ailleurs, dès qu'on est adulte, une personne qui dit t'es chinois, t'as un gros nez de chinois, on comprend qu'on a affaire à un mongoloïde bête et méchant. Et donc on n'est plus blessé. Dieu merci. Dieu merci. Et si on regarde bien, il y a beaucoup de gens dans la population qui bloquent à l'âge de l'enfance, qui bloquent à l'âge de l'adolescence, qui bloquent à la transition de jeune homme, homme, et qui n'ont jamais de seconde renaissance. Des gens souvent un peu simples, qui certes savent payer leur loyer, se nourrir, laver leur linge, dormir à l'heure qu'il faut. Leur cerveau est celle d'enfant, est un cerveau d'enfant, et celui d'enfant, oui. Ce sont des enfants, des adolescents. Vous leur dites, que penses-tu de la peine de mort? Et ils vous lancent une réponse bébête, sans argument. Eux-mêmes n'ont même pas réfléchi. Vous vous rendez compte? Les gens ne réfléchissent pas. Alors en effet, le pouvoir de la télé, etc. Et en fait, tout cela, c'est de l'éducation, c'est avant même d'être une personnalité. Ça se forge par l'amitié, par les études, par la famille, par les copains. Je dis tout ça aussi parce que quand j'étais au lycée, même si je trouve le message rapide et bâclé, Assian de JG, il a lâché un truc vite fait, sans prétention, pour délirer, c'est un délire. Même si je trouve ça pas top ten, c'est largement mieux que ce que je faisais moi quand j'étais au lycée. Encore que je réfléchis, mais ouais, parce que j'étais en train de. Quand j'étais au lycée, j'écrivais des textes de rap sexuel en anglais. Ça. Et globalement, je passais ma vie à rechanter les débuts des les premières cassettes des NTM qui enregistraient à deux pas de mon collège. Et à l'époque où moi j'avais un manteau Run DMC, il existe. C'est-à-dire, il n'existe toujours pas en France, Run DMC, que j'avais ramené des États-Unis, connaissant des rappeurs noirs américains des États-Unis, grâce à ma tante qui était artiste à Cleveland. Et donc, étant complètement immergé dans le rap et fasciné par les mêmes choses qui fascinaient les NTM de l'époque, j'étais loin derrière. Mais j'étais déjà beaucoup dans le flux. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve que Joey Starr, grâce à l'art, on est vraiment dans un sujet d'art-thérapie là, grâce à l'art, et depuis 5 ans, devient un artiste, un individu beaucoup plus intéressant que le rappeur monomaniaque, concentré rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, matin rap, je me lève rap, je me brosse les dents rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, que le rap, vous voyez? On voit d'ailleurs que l'exercice de la chanson lui fait des choses très très techniques et très complexes vocalement, ça depuis toujours. Mais c'est surtout le voir dans un film de Beck BD être un gay au piano. Le voir tenir un petit enfant sur un thème de l'immigration et de la France qui laisse mourir les gens à l'extérieur sans faire prévaloir le droit d'asile avant même d'être politique, sanitaire. Voir Joey Starr faire ça, c'est sublime. Dans un sens, je pense que son ex-compagne avec qui il a eu des enfants a été pour lui. Vous voyez, quand elle était jeune, elle disait tu fais chier tes gamins. Et maintenant, par contre, il a compris qu'elle avait raison. Et il est carrément très, très, très, très, très adulte. Et il est très important, je trouve, dans l'art en France. Pourquoi? Parce que des jeunes s'identifient à lui. C'est le public ennemi du rap en France. C'est le Run DMC. C'est le LL Cool J. C'est vraiment inévitablement le James Brown du rap français, vous voyez? C'est. Le pape du rap français, bien avant Kool Shen, qui lui, et d'ailleurs j'ai l'impression, est resté dans le truc. Pourquoi? Parce qu'il a voulu péter la gueule à Coste, comme font les rappeurs adolescents. Là où un autre adulte dira, tu m'as fait bien délirer, en plus, me fais de la thune un peu, tu vas me faire un peu de pub, un peu de promo. Tu m'as fait bien délirer, ça m'a fait penser à Gigi Allen, etc. Ça m'a fait penser, moi qui ai vanné tout le temps, etc. Vous voyez? Bon. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi on en est au... Ah oui, parce que moi, quand j'avais l'âge de Jigé, donc, je n'avais pas... je peux trouver ne serait-ce qu'un mot, quoi. Je vais chercher, mais il y a au moins un mot, un truc, tel d'innombrable photographe amateur sans talent. Bon, je sais pas, mais le garçon, bon là, il fait fausse touche. Hein. Mais le garçon est, je pense, plus intelligent à son âge que je ne l'étais au sien. Donc bonne chance JG, mais encore une fois, si les artistes sont bien quelque chose, c'est exactement tout ce qu'ils veulent, etc. On est bien d'accord. Mais selon ma propre définition, ils doivent, ils peuvent aussi, rien que le fait de pouvoir, et ils le veulent aussi peut-être en eux, être des Jedi, des vrais chevaliers, des grands héros de quoi? D'une seule chose, la gentillesse. À cela s'ajoute l'intelligence, évidemment. Encore une fois, je le dis 1000 fois par jour, mais il a 1000 fois raison, Elie Wiesel, lorsqu'il réussit à résumer le but d'un roman et sa beauté, élever plus haut l'intelligence, pousser plus profondément les sentiments. Voilà, c'est tout. C'est bon. C'est bon. Ensuite, George Steiner, lui, dira finalement l'intelligence, oui, les sentiments, si ce n'est pas acquis, qu'ils aillent se faire foutre. Je ne suis pas là pour les éduquer. Comment? Il ne dit pas exactement ça. Mais ce qu'il dit dans l'art du roman, il dit vos belles histoires, vos beaux romans, vos beaux trucs de psychologie, finalement, c'est déjà pour moi le Moyen Âge, du suracquis. C'est déjà très acquis l'idée que de la gentillesse. Et ce qui l'intéresse aujourd'hui, non pas en tant qu'auteur romancier, mais en tant qu'intellectuel et universitaire, c'est l'histoire des mathématiques, parce que ça peut 1 plus 1 égale 2, mais est égal aussi à 0, à 2, à 4, à 1000, etc. Les mathématiques et leur histoire. Dans les découvertes récentes et modernes, déjà celles d'il y a 100 ans peuvent nous éberluer, mais ça s'est accéléré en plus. Les mathématiques font en sorte que ce que je suis en train de dire n'existe pas. Et on peut le démontrer mathématiquement, démontrer mathématiquement que je n'existe pas. Et 1000 autres choses. Donc on est dans la relativité la plus absolue à partir de quelque chose, d'une mesure. Enfin, c'est fabuleux. Ensuite, il y a l'architecture. Alors moi, j'ai pensé que c'était parce que c'était l'environnement aussi, la maison, etc. Et j'avais pensé l'élargir au cosmos, en fait. parce que finalement cette demeure terrestre sur laquelle nous sommes est peut-être temporelle. Le soleil s'éteindra. Qui a vraiment envie de dormir en même temps que le soleil? Si on peut trouver par l'astronavigation, la médecine, la biogénétique, l'astro-cultivation, comment? Alors donc, j'ai un champ, je fais de la, je cultive. C'est de la cultive. Ah zut. C'est-à-dire que au lieu que le soleil soit un truc créé par Dieu et qu'on n'en a qu'un et qu'après c'est fini, on l'entretienne, on le fasse renaître. Donc une sorte d'agriculture cosmique, astrale, agriculture astrale. Oui. Donc pourquoi? Ah oui, l'architecture. Donc Max Steiner ne dit pas du tout, n'élargit pas du tout au cosmos et reste dans l'architecture et il nous explique par exemple que le musée de Bilbao est fa fabuleux. Pourquoi? Parce que toute la perception que l'on a de sa forme, la manière dont on voit le musée, est modifiée en fonction de l'heure, à la minute près. C'est-à-dire que avec un ordinateur, ils ont calculé comment le soleil allait rentrer, quel était son dé le déplacement du soleil tout au long de l'année, d'accord? Et ils se sont dit, voilà, on va faire varier les formes grâce à l'éclairage. Et ils sont allés jusqu'à, grâce à des ordinateurs, je pense, surpuissants, mais même avec les normaux, les ordinaires que tout le monde a, c'est possible. Ils ont même calculé qu'à telle heure, il y aurait 100 personnes à l'entrée, là où la baie vitrée, là où il y a une baie vitrée, et que donc leur présence modifierait l'éclairage. Et ils ont calculé ça aussi. Vous vous rendez compte? On est dans le concret. Je me suis rendu compte un jour que cette ville que je chiais, que je détestais, ce béton dans lequel je suis resté 25 ans sans jamais en sortir, mes jeux s'étaient sonnés aux interphones en skateboard sur du trottoir voir des fourmis, etc. C'était que pendant les vacances, c'est très rare. Je me suis rendu compte que cette nature magnifique et cette ville atroce, en fait, parfois, s'avérait être une boue froide, hostile, terrifiante, qui nous affame, et que la ville était la solution que l'humanité avait trouvée. Et donc, que j'avais été immergé dans un paradis tout construit, et que parce que je n'avais pas eu à le construire, je le vomissais. Pourquoi je parle de ça? Oh là là là là, comment je vais faire pour me souvenir? Oh là là là là là là là là. Ah oui, Max Steiner, histoire des mathématiques, architecture. Ouais, la parenthèse était grande, hein. Ensuite, et là je vais être très, très triste parce qu'il y a 7 ou 5 points et je ne m'en rappelle pas de tous. La biogénétique, le passionne évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez quand on. Là, je parle aux plus vieux, on était dans les cours d'école, en train de parler avec des copains, et on disait un jour, parce qu'on avait vu ça dans un film à la télé, un jour on pourra parler dans des petites télés, on pourra se parler les uns aux autres. Ce qui s'appelle aujourd'hui un téléphone portable avec Android. Je me souviens très bien que pour nous, en le disant, c'était déjà créer de la science-fiction. Quelque chose qui n'existerait jamais, un idéal magique, donc magique et donc très dogmatique et donc qui n'existerait pas. Ça existe aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la vie éternelle. Ce mythe de la vie éternelle, aujourd'hui, c'est le budget de Darty, les supermarchés qui vendent des machines à laver, d'accord? Vous prenez le budget, le chiffre d'affaires, le capital plutôt de Darty, d'accord? Vous prenez 4-5 universités de très bons professeurs et élèves et disciples, etc. quelques machines qui sont payées par le budget, et dans 1 an ou 2 ans, vous commencez à... Alors, c'est ça, et des lois. Et, en tout cas, si les lois le permettent, et il faut surtout que les lois ne le permettent pas, c'est capital, mais si elles le permettent, dans 2 ans, voilà, j'ai des premiers modèles de personnes vivantes capables d'être éternelles. Alors vous allez me dire comment ça se fait, etc. Ben, c'est très simple. Par exemple, on a trouvé récemment une méduse qui régénère ses cellules. Elle est donc éternelle. Et donc, nous savons lire son ADN. Coup de chance, nous savons lire son ADN. Voyez-vous? Et donc là, c'est de la modification génétique. C'est complètement interdit. On peut travailler sur les cellules souches. C'est très. Mais tout ça, dans un contexte de guerre, de tatati, va exploser. Tout ça, aujourd'hui, si vous avez un Kim Jong-il, ou je ne sais pas c'est quoi le nom du nouveau dictateur en Corée du Nord, mais le type vient de flinguer son ex. Pour le fun, quasi, quoi, où on ne sait pas trop. Et il a flingué 10 personnes de son groupe, parce que comme ça, quoi, vous voyez. Et il a foutu toutes les familles des gens dans un camp de concentration, où en ce moment même, ils sont en train de pleurer dans le froid et la douleur, tout simplement, quoi. D'accord? Donc, un type comme ça... Vous lui parlez d'une conférence de bioéthique, il vous explique un peu qu'il n'en a rien à branler, quoi. Et que fondamentalement, traficoter 1 million de personnes en faisant des expériences chimiques sur leur gueule, ça ne le dérangera pas plus si ça peut lui permettre d'avoir 1 an, une érection, 1 an en plus une érection. S'il peut tuer 1 000 personnes pour bander plus pendant 1 minute avant de mourir, il le fera. D'accord? Donc aussi, il faut se demander où on en est aujourd'hui avec la biogénétique, réellement, entre le travail des universitaires et des scientifiques universitaires et de laboratoires privés, mais surtout se demander, on parle quand même de la vie éternelle, c'est encore plus, c'est mieux que la fortune éternelle, vous voyez. C'est déjà... pouvoir tutoyer Dieu, la vie éternelle. Déjà avoir un peu de ses compétences. Donc, sachant que les pays craquent, que même on prend les États-Unis qui ont des systèmes d'espionnage, en ce moment ils peuvent m'écouter nos problémos, quoi, hein, sans que je leur ai donné le droit, sans que l'État leur ait donné vraiment le droit, sans que les lois leur donnent le droit. Malgré le fait qu'on commence à un peu pourrir l'arsenal de droit, de loi, j'ai l'impression. Ce qui est très mal. On passe en... Bon, ça c'est un long sujet. Voilà. Et donc j'avais dit, j'en suis à la bioéthique. Il ne faut pas trop que je change de sujet. Donc, dérive possible déjà aujourd'hui et déjà depuis 10 ans. Et aussi, je pense qu'on ne peut penser à la vie éternelle et à la modification génétique qu'à un seul moment, l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on doit faire un travail préparatoire, hélas, sur des animaux, hélas, très compliqué. À la rigueur, si on ne peut pas le faire sur des animaux, ce serait mieux. Mais à un moment donné, l'humanité, pas nous, mais l'humanité qui sera très humaine, je vous assure, se demandera, on a la possibilité de survivre éternellement, et le soleil s'éteint, et nous sommes, si nous ne bougeons pas, nous sommes condamnés. Alors, ouais, vaisseau spatial, etc. Moi, je termine l'argumentaire et j'aurais fini là. Peut-être que George Steiner avait deux, trois trucs, mais je finirai l'argumentaire. Mais bon, George Steiner, c'est simple, c'est la barbarie du savoir, une vidéo, vous la lisez, vous l'écoutez, c'est très bien. J'avais écrit déjà un texte là-dessus, Mais qu'est-ce qui va nous dénaturer? On veut dire, ah non, vie éternelle, ça craint et tout. Ça craint pourquoi? Allez-y, listez les problèmes. Mais vous verrez que... listez les problèmes. Vous me faites la liste de tous les problèmes qu'entraîne la vie éternelle. Alors vous allez me dire, premièrement, on devient gaga. Ben non. Déjà, les cellules, si on les régénère et qu'on réussit à régénérer les neurones, on ne devient pas gaga. Ensuite, vous allez dire, on va être trop nombreux sur la Terre. Maintenant, quand on est éternel, on colonialise l'espace. C'est-à-dire que l'infinité du cosmos et l'éternité du temps sont notre décor. Les milliards de planètes, le vide dans lequel on peut être assis en position zen avec... toute une tribu d'humains flottants n'ayant pas besoin de respirer parce qu'on a remplacé les poumons par juste un membre qui régénère les cellules avec une sorte de mouvement permanent, comme ça, chimique. Je crois que ces êtres humains-là pourront comprendre et dire et lire nos poèmes. Ils pourront chanter des chansons. Ils auront certes pas envie de bouffer un canard en se régalant sans voir sa l'atrocité de prédateurs voraces de chair. Vous voyez, la forme parfaite dans laquelle on est déjà est un outrage. Sauf si on n'avait été que végétarien tout le temps. En tout cas, ensuite vous allez. Moi je pense, hein, personnellement, c'est très simple. On prend pour un fol parfois et on prend pour un raélien même. Je déteste Raël, je le déteste. Je déteste tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il aime, je le déteste. D'accord? C'est simple, je déteste les sectes, soyons clairs là-dessus. Je déteste les nazis et leur expérience scientifique, c'est clair. D'accord? Par contre, je déteste aussi l'idée que l'on disparaisse un jour. Et c'est programmé. La fin du soleil, des grands froids, des grands chauds, des ceci, des cela. Et tout ça est programmé parce que notre corps a besoin de tous ces éléments. Mais aujourd'hui, scientifiquement, on peut s'en abstraire. Alors vous allez dire, c'est profaner, on va dire, la nature ou Dieu, de changer notre nature. Mais je crois que si nous avons l'intelligence de pouvoir avoir l'hypothèse, créer scientifiquement la solution, c'est que peut-être cette intelligence déjà signifiait le droit. Intéressant, hein? Par contre, oui, en effet, on est sur un terrain extrêmement glissant, extrêmement dangereux, des super soldats immortels. Sans âme, sans douleur, vous voyez le truc, quoi. C'est le risque. Mais je pense qu'une humanité parfaite et aboutie se serait posé les questions, en se disant, voilà, à présent, le soleil s'éteint, nous sommes sûrs que nous allons mourir, que faisons-nous? Nous savons que les vaisseaux que nous avons envoyés merdent, nous avons l'eau, la purification d'eau n'a pas marché. Et un type dit, ce n'est pas l'épuration d'eau qui n'a pas marché, c'est notre soif obligatoire qui nous condamne. Si on enlève tout ça, alors donc, c'est quoi? C'est des poumons, appareil respiratoire, appareil digestif, qu'est-ce que ça crée? Fondamentalement, ça crée des cellules, globules rouges, etc. Oxygénation, etc. Ça crée des cellules. Bon, bah, tu remplaces tout par un créateur de cellules, tu n'as plus besoin de respirer, tu n'as plus besoin de manger, ça fait exactement la même chose. C'est intéressant. Mon âme reste la même. J'ai moins envie de manger quand je vois un bout de jambon, évidemment. Et on peut d'ailleurs garder ses envies si vous avez envie de... C'est comme un ordinateur, quoi. Si vous aviez le choix entre un ordinateur qui marche tout le temps sans avoir à le brancher avec une pile éternelle, ben vous choisirez cet ordinateur plutôt que celui qui se décharge, etc. Parce que ça, on le conçoit, ce n'est pas vivant. Mais quand on sera tous morts, on sera tous morts et ce sera bien comique de voir que les gens ont condamner le sort de l'humanité uniquement parce qu'il fallait bouffer respirer, et qu'en fait c'était juste créer des cellules d'une manière barbare. Alors donc on se retrouve sans poumons, sans ventre, mais avec un organisme qui recrée des cellules, d'accord? Et même en fait une modification génétique qui fait en sorte que nos cellules s'auto-régénèrent. En fait, c'est encore plus simple. Et je pense que puisqu'on a résolu le problème du temps et du héros, c'est-à-dire l'humain, c'est le problème du lieu qui se pose. Ça veut dire que la Terre, ok, le Soleil s'est éteint. On est donc sur une Terre noire. Il y a de l'eau, certes. Les plantes, plus trop. Il n'y a plus grand-chose, en fait, hein, sans Soleil. Et donc, on reste là comme des cons. En se disant qu'on est les types un peu dans la cave du cosmos, quoi. Les types underground qui se font une boum dans le noir. Avec une... D'ailleurs, c'est très intéressant, mais en vrai, il y aura encore de la végétation, tout simplement parce qu'en utilisant le mouvement de l'eau, on crée de l'électricité, d'accord? Avec un système comme les systèmes de dynamo, le mouvement crée de l'électricité. Cette électricité alimente des lampes, et ces lampes alimentent donc la faune, la flore, pardon. Et peut-être même qu'à terme, avec un surplus d'énergie dû à des connaissances accrues, peut-être même qu'à terme, notre planète Terre enverra de la lumière sur la Lune pour que et les toilettes, les planètes environnantes pour les éclairer. Alors de là à dire que le Soleil est en fait une planète extrêmement élaborée qui est entourée d'une paroi avec des flammes pour nous permettre nous-mêmes de vivre selon ce qu'ils ont été, c'est intéressant, mais bon, on n'en est pas là. On sait analyser ce qu'est un soleil. Encore que ce serait intéressant, hein, d'un point de vue scientifique, parce que si il pourrait tout. Mais bon, on est dans la paranoïa, dans le monde. On n'est pas justement pas dans le complot tatati, c'est vraiment un délire de science-fiction. Il pourrait brouiller notre perception d'eux, en fait. Intéressant. Quoi qu'il en soit. Depuis tout à l'heure, je me dis, ça m'embête. Putain, merde, j'ai avalé un. Ah, punaise, c'est l'horreur. Ah, je reviens. Ah. Fait un buzz, et la beuh elle est en poudre, c'est les miettes, quoi. Et en fumant, j'ai avalé tout, quoi. En tirant sur la c'est la beuh et le tabac est rentré dans ma gorge directement. Alors, je crois qu'on a fini. Oui, je suis gêné parce que il n'y a que JG qui va entendre, et en fait. Ça concerne tout le monde. Ce problème de vie éternelle, de réflexion sur la bioéthique. J'ai travaillé un peu, j'ai plutôt planché, dirons-nous, sur le sujet. Et comment vous dire? C'est marrant, mais ici, pardonnez-moi, je mange en même temps. Ici, ouais, je vais arrêter de manger, d'ailleurs, c'est pas poli. Alors, je pose ça là. Hop. Ici, je dis des choses et qu'est-ce que quoi? Ça va. Jordi, du coup, va changer son ordinateur, le programme de son ordinateur. Mais dans d'autres lieux, un discours comme ça, avec des gens qui ont un pouvoir de décision, et ça a un autre écho. Et je dois vous avouer que on parle de la vie là, et que c'était important, et que ma défense était un peu nouvelle. Alors ils m'ont quand même plombé. Pourquoi? Parce que ils m'ont dit, ce qui compte aujourd'hui, c'est le danger. Le danger que d'autres pays, dictateurs, ou même des pays, même à l'intérieur de notre pays, des organismes un peu secrets, etc., commencent à faire des expériences de biogénétique sur des humains. Moi, je pense, hein, personnellement, que c'est déjà fait, en fait. Et que c'était même déjà fait avant que je m'intéresse au sujet et que je connaisse le sujet. J'ai très très peu. Je pense que l'enjeu est si grand, en fait, que beaucoup ont pris le risque. Vous voyez, quand vous avez des fortunes colossales, l'argent, c'est un détail. Et c'est la manière d'activer les gens qui. J'en suis pas là, moi. C'est pas du tout la même chose. Moi, je suis plus mathématique, mais. Et je pense que dans la mesure où pour eux, financer un tel projet est un détail, vous voyez quoi. Ceci dit, c'est une spéculation. J'espère qu'aucun être humain mutant n'est venu au monde en mourant et en dans des souffrances étonnantes et en ayant été mal conçu. Un humain test, un humain brouillon, défini et créé brouillon, c'est infernal. Ce serait. Et l'humanité est capable facilement du pire. Alors, parce que même des très beaux êtres qui naissent peuvent être dévorés dès la naissance, gazés dans des champs camps de concentration. Je ne veux pas effrayer, mais je pense que même les plus hautes autorités de tous les pays. Peuvent se poser la question. Vous savez, l'arrivée de la poudre à canon, c'est des millions de morts 10 ans après, quoi. Dès qu'une invention arrive, et là, c'est une invention surpuissante, hein. Surpuissante. Là, il y a un dentiste là qui va cloner John Lennon. Alors le type, on essaye de l'arrêter, parce qu'on ne veut pas qu'un être humain vienne au monde en ayant été conçu selon les choix disquaires d'un individu, sur les gènes d'un autre, qui n'est pas son géniteur. C'est atroce, hein. Alors on se bat, on se bat. Alors vous allez dire, homme d'affaires, sionisme, maçon, tout ça. Mais fondamentalement, on se bat. Et on ne gagne pas toujours. Et quand on perd, vous perdez. Ça, il faut le savoir. Alors, quoi d'autre? Bon, on a fait le tour, hein, 48 minutes. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté. Et JG, voilà, on est sorti un peu du sujet. Mais j'espère que ça t'intéressera. Et pour les autres, je vais bien mettre dans le titre que ça parle d'autre chose. Merci à vous. Bonne soirée. Bisous. Sexe. De bonnes. C'est une blague. Bon, je sais pas comment dire au revoir. Bien à vous. Non, hein, je veux dire, merci à vous.